bomania mankoye. Papa Buratrasita, Papa Pierre Mutuari, père de famille. C'est que l'avenir nous réserverait. Koye bakate, koboya mate, poyo nos avenir nanga. Leader Kachama. Nazali grel, yo zazelo, sayo mawato, racheto le temps, ka le jour déjà so mauvais. Ka le chat n'est pas là, la souris y danse, mais l'amour, si n'est pas là, les larmes tout. Tonton a ouno sans complexe. Soki volume sa la kate, nemo ki le koma cimetière, sans le nid, l'Egypte sera un désert. Anambona, la patronne, Yolan Mateta, Nina Mateta. Iguet et Bakika, Blaise Mawete la silencieux. Mawelo Messia, j'avante, mais comment va la nana? Karine Diasaka. Doulena, remarquable, Nina, pas qu'on lui faut des têtes. Melina, comprenez que papa n'a zolé. Raoul Bito, chanteur rouge. Atia Moto, n'a l'ipe kananga, lobi, papa, ticole, la naleli. Charlie Chimanga, Georges Diruma. Miami, Suez, associé, le nona, Oyam Vula. Et pour Misselina, Matamia, Terego, Nangai. Na batra bareko, ko le Carson Bolt na course à love. Chere kena si manaye, ba komyo yembe lamay. Oya tika lisima, mwa si ali korodo. Fridole Bokomo, ya bijou e benemera pale. Kekenzao, Ale Katanga, Timote Phenomène. Ano, quel jour Carlos et Tomatal. Amour yanga na eweko, sa la fini. Bajo Matuba. Cancere ata salin chimio. Dando Mouzinga na reine. A espera ka toujours na guérison. Kija de Kopé. Loin de toi na koko kate. Vomina sa la prisonnée à toi. Kindie. Nono Kwemi. Blanchard Londolé. Quel vice un poé. Oani vacine. Momo makoso mote manama. Pichu mon amour, Momo makoso boli monanga. Ole wanga pire vie appétit na ye. Empereur Jipe Lumbala. Et si koko misi na momo, na komi on salale luba perd ta mémoire. Papi messier. Et la mia toro, poule ma bouche. Masala kalama na makila. Ana linga kalove, kasi, exceptionnaire. Mandela Mukonda, Luka Pagoye. Un jour, ton sala qui traverse na braza. Mami wata sali bagay. Pour la première fois, mon âme. Et que l'amour qui tue ma console qui est la beauté. Jorda Chevonseca, Rama Miesier. Papi et Piana. Mbeka Sophie, mon ami, colo chasse la bête et ma sassi. Abosa na zana famille naye, talika kentere. Kali poumouna ye po ali ale sa ya ye pe moana. Zokande ke pati ki ba nou vone na sala. Awo po minga chero gagne nini. Atoke na komo na mando na sala nyoso pozo nga na maboko mangai. Milembo, milembo ya mwangai. Chera sweta babo lingo na nga pese pa bagori. Shaki Musa. Nga pena sambeli nzamba bongola nga tarza. Pona dialogue bie na bagori la samba. Soki opo minga chero koganye nini. Atoke na komo na mando na sala nyoso pozo nga na maboko mangai. O fasone nga libo sobamba na bichu. Oh oh oh oh. O sana yo esila kate na lole mopo na lela yo. Sara Omari. O libo yo zobo manga jowele mbuya. Momo makoso libala ya nana yo eko sila lelote. Engi bakwe na papusto luka shiko mabele mame. E mungo luambo, demi amor. Oh momo makoso. Bolingo na yo eko mingana lela lela bichuwe. Chani. Si yanga na pungu upo na zala esklava bolingo na yo. Gabento Kodi, Ije Fame, Bolivar Mundele. Maracuja Prod Amedin Siala Waterloo Mukonza Italie. Jonathan Bolingi Maluma Bedi Nelly Bomei Ekas Francis Louya Jeune Patron Didier Kitenda Boss Kiza Bois de nuit à Nairobi. Amour na yo poison secret. Ome ma ki chaleur a bien na vie nanga. Exagéré chaleur et bon mani volcan. Getumbi na ye. Joran me crisse ma koso. Momo ma koso. Serena ma koso na leli. Ichu ma koso. Kukuchika ya na Lyon, Amede Magenzi, Morelin Makoso, ya Dada, Nini à la Brésilienne, Annie Dembo Demelaz, Gisèle Zinda, Amour na yo poison sucré, Omé Maki chaleur a bien la vie nama, Exagéré chaleur et bon mani volcan, Patrick Mombata, crédible. Famille présidentielle, Yves Bonga. Joël Nokombe, ya Edo. Maître Berrado, Zamunda. Papi Tombala, les rois des Zamunda. Nasina Fandi Nangwande, ya Bolingo, Langaï, le patre. Lokola Soso Vandela, Kamaki, naye 21 jours. Atakolo na ya lingai, baliki moko, akalinga. De dodo, héritier minimum. Oya ko touche leader, un timba coca. Lidia minimum, son ambeli. Manabangongela na na litui. Na boya ke yo kango. Na walisa ke yo pomme pa. Si li vi matondo. Na walisa ke yo pareye. Erike timba pati electro. Soka garçon de chambre. Tangonga na bimaki. Soka mona kininye. Akufana verite. Che che lisele ego.